Chapitre 19e. Tu ne sais pas, ma chère, un homme qui est capable de porter des fleurs à une fiancée morte après 3 ans, mais c'est un roman, bien mieux, un rêve. Ça n'arrive pas, ces choses-là. Tu as bien raison, Marianne, ça n'arrive pas, répondit la sage Vera. Aussi, je ne crois pas un mot de cette histoire. Mais alors, qu'aurait-il fait de ces fleurs? Vera fit une moue significative. Des fleurs, dit-elle. Voilà en vérité quelque chose d'un placement bien difficile. Il ne manque pas à Pétersbourg de dames de toute espèce, disposées à les accepter. Des fleurs, un bouquet, oui, mais une couronne blanche encore. Le fait est, repartit Vera, qu'une couronne blanche ne peut guère s'offrir qu'à une personne adorée en secret, et perchée sur un haut piédestal, plus que la colonne d'Alexandre. Voyons, Vera, tu me taquines, et ce n'est pas gentil quand tu vois que cela m'intéresse. « Oh, si M. Tournoff t'intéresse, je ne dirai plus rien. Tu peux y compter. »« Il m'intéresse, eh bien oui, il m'intéresse, certainement. »« Cette fidélité de chien du Louvre m'intéresse, j'en conviens. »« Je croyais que ça n'arrivait que dans les romans. »« Bon, » fit Vera, « c'est bien porté, cela pose un homme. »« Fille !» Marianne, scandalisée, se leva et fit de tour dans sa chambre, lieu de cette causerie intime. « La preuve que cela pose un homme, c'est que tu t'occupes déjà de ce beau monsieur. » Que sans cela tu n'aurais pas regardé? Est-il joli garçon au moins? Je n'en sais rien, fit Marianne en boudant. Peut-on le voir? Il vient dîner ce soir. Très bien. Alors je viendrai prendre le thé. Je suis curieux de le voir en chair et en os. Cet homme fidèle à un souvenir qui date de 3 ans. Comment s'appelle-t-elle, cette jeune fille? Je ne sais pas. Je veux le savoir, dit tout à coup Marianne avec résolution. Moi aussi, je veux le savoir. D'autant mieux que je n'y crois pas. Je le saurai. « Sois sans inquiétude. »« Comment ?»« Nous avons à la chancellerie un vieux madrier d'huissier qui sait tout. »« Avec le nom du jeune homme, nous lui ferons trouver tout ce que nous voudrons. » Mademoiselle Vera, qui était la fille de l'aide du ministre, fonction officielle inconnue en France mais très recherchée en Russie, car elle donne beaucoup de pouvoir avec un peu de responsabilité, tout en permettant de déployer les capacités que l'on possède, Mademoiselle Vera s'en alla en engageant son ami à soigner sa toilette. Marianne lui adressa une grimace pour adieu et restait seule, fit quelques pas d'un air boudeur, puis il s'assit devant sa glace et, appelant sa femme de chambre, se mit à soigner sa toilette. Marianne était une jolie blonde de 17 ans. Son teint nacré, ses yeux semblables à des fleurs de lin, sa stature élégante et mignonne, lui redonnaient quelques ressemblances avec une belle petite poupée anglaise, sans l'extrême vivacité de ses regards et la pétulance de ses mouvements. Sa mère l'avait baptisée Perpetuum mobile, et non sans raison. La fille d'un ministre est toujours entourée d'adorateurs, quand même elle serait laide et sotte à faire peur. Mais, simple mortelle, Marianne aurait été fêtée quand même pour sa grâce mutine, sa bonne humeur inégale, ses bouderies coquettes, pour ses qualités et pour ses défauts. Bien des jeunes gens et pas mal de gens moins jeunes aspiraient ouvertement à la conquête de son adorable petite main capricieuse et potelée. Marianne les tenait tous à égale distance. Quand nous disons égale distance, ce n'est qu'une métaphore. La distance entre eux était toujours extrêmement inégale. Mais la jeune fille arrivait toujours à rétablir un équilibre parfait, en recevant mal aujourd'hui celui qu'elle avait le plus choyé la veille. Le préféré du jour, en échange, était certain d'être mal reçu le lendemain. C'est ainsi que Marianne entendait et pratiquait l'équité. Tout en bouleversant ses tiroirs pour y trouver une toilette à son goût, la jeune fille se livrait à des réflexions extraordinairement sérieuses, pour elle du moins, et l'objet de ses pensées n'était autre que Tournoff. Une fidélité de 3 ans à un cercueil, cela ne s'était jamais vu que dans les romans. Mais le héros de cette légende invraisemblable existait, en propre personne. Elle l'avait vu, elle allait le revoir. Quelle aventure! Marianne arrangea aussitôt un petit roman et se représenta l'histoire des deux amants. Il l'avait vue Antonine dans une fête et s'était aussitôt épris d'elle. Il l'avait demandée et obtenue, puis, la veille des noces, une maladie foudroyante, un accident peut-être, avait enlevé la fiancée déjà parée du voile nuptial, et le fiancé inconsolable avait voué toute ses tendresses au souvenir de son bonheur perdu. La femme qu'il aimera, pensa la jeune fille, sera sûre d'être bien aimée. Une seconde réflexion suivit naturellement celle-là. Ce ne sera pas facile de lutter contre un souvenir consacré par un tel culte. Puis une troisième réflexion aussi juste et non moins logique que les deux autres. Quelle gloire il y aurait à supplanter un tel souvenir, à prendre la place de cette ombre adorée, à faire oublier la morte. Une dernière pensée, moins clairement formulée, conclut la série. Est-ce que ce serait très difficile? C'était incontestablement très difficile. Aussi Marianne cessa-t-elle de fouiller dans ses tiroirs pour plonger ses deux mains dans l'épaisse toison dorée qui bouclait sur son front. Elle releva au bout de quelques instants sa tête ébouriffée et s'appliqua sur le champ à se composer devant le miroir une coiffure d'enfant naïve qu'elle réussit fort bien. Son plan était fait. Pendant le dîner que présidait moralement Madame Meroff et virtuellement sa fille, Tournoff ne fit guère attention qu'aux hommes éminents invités ce jour-là. C'était pour lui une chose trop nouvelle et trop importante que d'entrer ainsi en relation avec des personnalités illustres dont il n'avait connu que les noms. Il n'avait garde de laisser errer ses yeux ou son esprit ailleurs que sur ce qui l'intéressait si fort. Mais lorsque le repas terminé, la compagnie se fut dispersée dans les salons, le jeune homme, un peu fatigué par la tension extraordinaire que son esprit venait de subir, se laissa aller à la douceur paresseuse de se voir admis de plein pied dans ce monde des sommités officielles dont on ne sort plus quand on arrivait à en faire partie. Il admira les tableaux, le mobilier de bon goût, la toilette élégante de quelques femmes, amies de Madame Meroff, et ses yeux se posèrent enfin avec plaisir sur Mademoiselle Marianne, qui s'était mise en face de lui à quelque distance. Elle lui tournait presque le dos, mais elle le voyait dans une glace. Lui ne pouvait la voir que lorsqu'elle se retournait. Par le plus grand des hasards, elle avait à chaque instant occasion de tourner du côté du jeune homme, son visage charmant et son buste élancé. Les cheveux mutins, lissés soigneusement, ondaient sur le front pur de la jeune fille. La robe décolletée tombait des épaules avec une grâce angélique. On eût dit une âme quittant son enveloppe terrestre. Pas de bijoux. Une simple croix d'or attachée à une chaîne imperceptible. Pas de ruban, rien que de la mousseline blanche. Sur de la soie blanche. Un nuage. Le ministre a pour fille une fort jolie personne, se dit Tournoff. Puis il n'y pensa plus. Mais au bout d'un instant, ses yeux retournèrent à l'objet qui les attirait naturellement. Elle a l'air d'une charmante enfant, se dit-elle encore. Comme si Marianne avait deviné sa pensée, elle se leva doucement. Sa pétulance ordinaire était fort modérée ce jour-là. Elle vint se poser comme un oiseau tout près de Tournoff, avec un geste penché qui la rendait adorable. « Nous excuserez-vous, messieurs ?» lui dit-elle d'une voix claire, pleine de tendresse et d'humilité. « Pardon, je ne comprends pas. Je ne crois pas, mademoiselle, avoir rien à excuser. »« Aussi, » reprit la jeune fille. « Mon père et moi, nous vous avons fait de la peine, l'autre soir, au théâtre. Je l'ai bien vu. Si vous saviez combien je l'ai regretté. Si j'avais su, monsieur, croyez-le, de tels souvenirs sont sacrés, même aux indifférents. Et j'espère que vous aurez vu là une étourderie. » Tournoff avait d'abord froncé le sourcil. Cette allusion à ses sentiments les plus intimes lui avait produit l'effet d'un coup de canif. Mais la jeune fille s'embrouillait si gracieusement dans ses phrases. Elle mettait tant d'ingénuité à ses excuses naïves, et enfin le mot « étourderie » était si comique, appliqué au ministre Meroff, qu'il ne put s'empêcher de sourire. « Ce n'est pas la peine d'en parler, » dit-il de très bonne grâce. Ce n'était pas là le con de Marianne, elle espérait bien en parler, au contraire. Elle remit la charge par un chemin détourné. « Chez qui aviez-vous pris ces fleurs magnifiques ? » demanda-t-elle. Tournoff nomma le jardinier. « J'espère qu'elles sont arrivées encore fraîches. Alliez-vous loin ?»« À part Golovo, » répondit Tournoff, non sans un mouvement intérieur qui ressemblait à la honte. Parler de la tombe d'Antonine dans ce salon brillamment éclairé, avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas la veille, en toilette de bal. Mais depuis quelque temps, tout était singulier autour de lui. Si loin, il faisait si froid. Cela vous fait honneur, monsieur. Ne sachant que répondre, Tournoff regarda son interlocutrice. Celle-ci, à son tour, leva sur lui un regard plein de déférence, d'admiration, d'une tendre pitié, un de ces regards par lesquels une femme déclare qu'elle trouve fort supérieur l'homme qui lui parle. Tournoff en fut sinon ému, au moins touché. Le monde l'avait si peu gâté jusque-là. « C'est une bonne enfant, » se dit-il, « et véritablement, elle est bien jolie. Quelle candeur !»« Eh bien oui, c'était vrai. Marianne était candide. Elle jouait de bonne foi la petite comédie. » Pour employer une expression de l'argot parisien qui rend exactement son état d'esprit, elle croyait que c'était arrivé. Elle éprouvait réellement une tendre compassion pour ce jeune homme si cruellement éprouvé. Avant tout, elle voulait connaître son histoire. et ne s'était pas demandé ce qu'elle ferait quand elle la saurait. Mais elle était prête en ce moment à tout souffrir pour la connaître, même les reproches de sa mère, qui la gronderait certainement d'être restée si longtemps à causer avec un homme qu'elle connaissait à peine. « Vous êtes bien heureux, monsieur, » dit Marianne en poussant un soupir. Tournoff la regarda avec étonnement. Il ne se savait pas au sein d'une félicité telle qu'elle pût exciter l'envie d'une jeune fille riche et haut placée. « Pourquoi ? » dit-il, surpris. Marianne se leva sans répondre et disparut. Tournoff se demanda pendant une demi-minute ce que cela voulait dire, et reconnut qu'il ne trouverait pas tout seul. Cette parole en l'air, jetée par Marianne, comme on jette un écu pile ou face, retomba sur son imagination et fit une empreinte. Pourquoi suis-je heureux ? Se demanda-t-il encore le soir lorsque, rentré chez lui, il récapitula sa journée. Et cette question, irritante parce qu'elle était une énigme, se présenta plus d'une fois à son esprit pendant les jours qui suivirent. De son côté, Marianne se disait en se déshabillant devant son miroir : « Eh bien, mais il me semble que ce ne serait pas si difficile. »